ceux qui viennent de nous rejoindre sur Radio Trafic, je vous rappelle l'information principale en ce bel après-midi. Un bouchon record a lieu en ce moment même sur la ligne. Certaines personnes ici bloquées depuis 3 heures. Une grande pensée donc à nos auditeurs à l'intérieur. Je vous rappelle les consignes de sécurité. Restez bien dans vos voitures, n'ouvrez pas les portières, armez-vous de patience et surtout n'oubliez. Il coupe sec la radio, il n'a pas dormi de la nuit. À l'arrière on se moque de lui, ça fait pas longtemps qu'il conduit. Mais rentrer des boîtes en caisse, c'est toujours mieux que de prendre le bus. En m'attendant dans le rétro, il aperçoit une belle voiture de luxe. Il en est fier de sa voiture, personne ne l'a encore rayé, il en est fou. Elle le rassure mais il ne l'a pas encore payé, elle séduit. Les crédules lui remboursent le crédit, mais vaut mieux ça qu'une caisse pourrie comme celle à côté de lui. Il y a celle qui vit dedans, elle est chez elle donc elle a tout son temps. Une grande couette dans le coffre et toute sa vie dans la boîte à gants. Elle a perdu son appart, il reste juste sa Clio. Sa vie en fait détresse, mais personne remarque ses clignots. Un jeune homme se sent très mal sur cette route bouchée, car sa femme l'attend à l'hôpital, elle est en train d'accoucher. Son téléphone sonne, il décroche et son visage c'est clair, le jeune homme est devenu père. Sur la route toute l'année, les bouchons, il les affronte par millions. À Noël, son sapin jaune décore les camions. De Marseille jusqu'à Lyon, de Toulouse jusqu'à Tours. Sa femme est là, si ça va mal, comme sa route. Secours, secours, secours. Restez connectés, on vous donne plus d'infos sur le bouchon, le bouchon. On rame, on râle, on rage dans le bouchon. Le bouchon, le bouchon. On roule, on tourne, on douce dans le bouchon. Le bouchon, le bouchon. On rit, on crie. On prie dans le bouchon, le bouchon, le bouchon. Et bien souvent nos vies ressemblent à ce bouchon, le bouchon. Elle est plus vieille que sa vieille Ford, mais elle conduit encore. Une photo de son petit-fils posée sur le tableau de bord. Elle repense à sa vie en retouchant sa coiffure, car elle sait bien que le corbillard n'est qu'à quelques voitures. Allez avance la vieille putain, pourquoi ça va pas plus vite? Comme sa voiture familiale, elle va péter une durite. Maman, on arrive quand? Son fils est surexcité, le petit fait des grimaces en fixant la voiture d'à côté. Il a bien vu le gamin, mais rien ne le fera sourire. Une Renault grise comme son teint, accompagnée d'un soupir. Elle est partie pour un autre homme, une autre conquête. Il sent encore son parfum sur le revêtement de la banquette. Il en a marre d'être coincé ici, des kilomètres de ligne, il est en bout de fil. Les sourcils froncés, visage bouffi, il veut retrouver sa télé et son canapé en cuir. Tout ça à cause d'un connard qui ne sait pas conduire. Le bouchon, le bouchon. On rame, on râle, on rage dans le bouchon. Le bouchon, le bouchon. On roule, on tourne, on douce dans le bouchon. Le bouchon, le bouchon. On rit, on crie, on prie dans le bouchon. Le bouchon, le bouchon. Et bien souvent nos vies ressemblent à ce bouchon. La vieille entend aux infos qu'une petite fille a été oubliée pendant le bouchon dans une station service. Derrière elle, énervée et concentrée, la mère de famille ne se rend pas compte qu'il reste un siège vide à côté de son fils. Le jeune conducteur a encore pris une fuite la veille. Il ne sait pas que le corbillard est plus proche de lui que de la vieille. Le routier fait ses derniers kilomètres, sa dernière semaine. Ensuite il part à la retraite, aux côtés de la femme qu'il aime. Sous le siège troué de celle qui a son auto comme lit, se cache un ticket loto gagnant qui va changer sa vie. L'euphorie qui se ment et qu'il a des visages, des nerfs sûrs, ne se doute pas que dans pas longtemps ils échangeront leur voiture. L'amoureux déçu qui lit encore et encore sa dernière lettre, ne sait pas qu'elle est aussi dans le bouchon et qu'elle regrette. L'homme qui râle contre le connard qui fait de son âpre un enfer, sera plus tard que c'est son frère qui a percuté une barrière. Son enfant pourrait devenir routier, mère de famille, sans femme, sans emploi, avoir des chaînes en or, ou dormir dehors, seul sans un toit. Mais il y a une chose dont le jeune père est sûr, le premier cadeau qu'il lui fera sera une petite voiture. Voiture, voiture, voiture, voiture. Le bouchon, le bouchon. On rame, on râle, on rage dans le bouchon. Le bouchon, le bouchon. On roule, on tourne, on douce dans le bouchon. Le bouchon, le bouchon. On rit, on crie, on prie dans le bouchon. Le bouchon, le bouchon. Et bien souvent nos vies ressemblent à ce bouchon. Le bouchon.